Le lundi 24 octobre, ici Dominique Lelièvre pour les informations. Environ 300 juristes du gouvernement ont manifesté dans les rues de Québec ce matin. En tout, plus d'un millier d'avocats et de notaires de l'État québécois sont en grève depuis aujourd'hui. Un conflit de travail qui risque de compromettre l'adoption de plusieurs projets de loi, dont celui sur les chiens dangereux. Les juristes veulent dénouer l'impasse pour renouveler leur convention collective échue depuis mars 2015. Le principal point de litige concerne le mode de négociation. Les syndiqués aimeraient que soit nommé un arbitre et que le gouvernement perde son pouvoir d'adopter une loi spéciale. La chaire de recherche en tourisme de l'Université Laval recommande de maintenir le permis pour les guides touristiques de Québec. Les chercheurs recommandent néanmoins de créer une nouvelle accréditation spécifiquement pour les voyagistes étrangers. La chaire avait été mandatée par la Ville de Québec pour faire des recommandations quant à l'avenir de la réglementation entourant les guides touristiques. Celle-ci avait réagi en réaction au tollé qu'avait provoqué sa proposition avortée de bannir entièrement le permis pour les guides touristiques. Québec avait invoqué la difficulté de dénicher des guides qui parlent plusieurs langues. Alice Paquette espère mettre fin au cirque médiatique dont elle se dit victime. Dans une lettre ouverte publiée dans le journal Le Devoir, la jeune femme admet avoir perdu le contrôle de son histoire. La victime présumée du député Jerry Sklavounos accuse les médias et les blogueurs d'avoir mis l'accent sur sa vie privée et d'avoir détourné l'attention des vrais enjeux. Elle critique notamment l'information publiée par le Journal de Québec à l'effet qu'elle soit une ancienne escorte. Elle évoque un voyeurisme déplacé. Elle estime que cela contribue à banaliser la violence sexuelle qui est faite aux femmes. Toujours selon le journal Le Devoir, Alice Paquette devrait rencontrer aujourd'hui les enquêteurs de la police pour la première fois depuis qu'elle a déposé sa plainte en mars dernier. Enfin, deux restaurants de Québec figurent parmi le classement du célèbre site TripAdvisor. Les restaurants Le Saint-Amour et Chez Boulet figurent parmi les 10 meilleurs restaurants au Canada dans la catégorie fine gastronomie. Le Saint-Amour des chefs Jean-Luc Boulet et Jacques Fortier arrive en 7e position, alors que le bistrot Chez Boulet, également propriété de Jean-Luc Boulet, arrive quant à lui en 10e place. Une performance qui est appréciée, d'autant qu'elle repose entièrement sur le vote de la clientèle et non sur l'appréciation des critiques. Météo.